La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quand l'ADN se lit comme un livre d'histoire. Cela se passe en ce moment et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Grâce à la puissance de l'informatique et à des techniques d'amplification de l'information génétique, nous savons aujourd'hui faire parler l'ADN des femmes et des hommes d'aujourd'hui, et aussi celui de nos très lointains ancêtres, et même celui d'espèces disparues. Néandertal, bien sûr, ou bien encore Denisova, cette espèce éteinte du genre Homo, qui fut identifiée en mars 2010 par analyse génétique à partir d'une phalange fossile retrouvée en Sibérie, dans la grotte de Denisova. Grâce à l'analyse des gènes, il devient ainsi possible de raconter une part de l'aventure humaine, de reconstituer des épisodes cruciaux de cette longue histoire pour lesquels nous ne disposons d'aucune archive. Mais comment les chercheurs procèdent-ils au juste? Grâce à quelle méthode parviennent-ils à faire parler le sang qui coule dans nos veines? Et comment sont-ils parvenus à établir que les 7 milliards et demi d'humains que nous sommes aujourd'hui descendent tous de quelques populations préhistoriques vivant en Afrique? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, j'ai invité la femme de la situation. Bonjour Evelyne Ayer. Bonjour. Vous êtes professeure en anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle et vous publiez ces jours-ci « L'Odyssée des gènes », un ouvrage passionnant qui se lit comme un roman, parfois comme un polar, sauf que c'est un livre de science. Alors je l'ai dit, vous êtes anthropologue généticienne, qu'est-ce à dire ? Alors qu'est-ce à dire ? Anthropologie, c'est étude de l'homme et génétique, c'est l'outil. C'est-à-dire que j'étudie l'évolution de l'homme, sa diversité tant biologique que culturelle, avec comme outil la génétique. Alors vous voyagez beaucoup ? Oui. Vous partez en mission, notamment en Asie centrale, en Sibérie par exemple. Il y a quelques passages savoureux dans le livre qui racontent des anecdotes qui vous arrivent avec les gens qui habitent les villages dans lesquels vous tentez de prélever l'ADN des populations. Et comment justement les gens qui habitent ces régions, parfois dans des zones très reculées, réagissent-ils quand vous leur expliquez que leurs ancêtres venaient d'Afrique ? Alors, les ancêtres qui viennent d'Afrique, je vais vous dire, ça surprend beaucoup les gens, hein, parce qu'on a vraiment l'impression d'une différence forte qui s'exprime par la couleur de la peau. Et donc, les gens ont du mal à imaginer qu'ils ont des ancêtres qui viennent d'Afrique. Mais en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est que les migrations humaines que l'on retrace par l'ADN, souvent, c'est des migrations lentes. Donc, ça a pris du temps. Donc, on a eu le temps, tout en migrant, petit à petit, au fil des générations, aussi, de changer d'apparence. Et c'est vrai que cette dimension du temps n'est pas facile à comprendre. Hein. Moi, quand je dis c'est récent, 1000 ans, c'est récent. Alors que pour un monsieur ou madame tout le monde, 1000 ans, c'est pas forcément très récent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN, on peut le rappeler ? Et d'où vient que, pour vous, scientifique, c'est une machine à remonter dans le temps ? Alors, pourquoi c'est une machine à remonter dans le temps ? Eh bien, c'est simple, parce que votre ADN, qui constitue votre patrimoine génétique, dont une partie est codante, c'est-à-dire qu'elle va être lue en protéines, elle va faire ce que vous êtes en tant qu'individu d'un point de vue biologique, vous la recevez moitié de votre père, moitié de votre mère, qui eux-mêmes l'ont reçu moitié de leur père, moitié de leur mère, et etc. Ce qui fait que, quelque part, votre ADN est un peu une mosaïque de tous ces bouts d'ADN que vous avez reçus de vos ancêtres plus ou moins lointains. Et c'est en regardant finalement ces bouts d'ADN qu'on arrive, en quelque sorte, à remonter dans le temps. Et comment est-ce que vous le collectez, l'ADN ? Alors, on a plusieurs techniques. D'un point de vue technique, on a soit avec la prise de sang, donc on prend très peu de sang, 5 millilitres de sang, ou alors avec des nouvelles techniques maintenant avec la salive, parce qu'on arrive aussi à avoir de l'ADN dans la salive. Donc, selon les conditions d'expédition, on va soit prélever avec le sang, parce que quand même, cet ADN-là est de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'il est moins cassé en morceaux, ou alors or, si on peut pas, on va prélever avec la salive, parce que c'est plus simple en termes d'infrastructure. Et selon les missions que vous faites, est-ce que vous rencontrez parfois des résistances culturelles de la part des populations qui ont l'impression que vous allez faire des choses qui sont pour elles choquantes ou violentes ? Eh ben pas du tout. En fait, partout dans le monde, ce que j'ai rencontré, c'est une fascination pour ses ancêtres, pour savoir d'où on vient. Et donc nous, on se présente en tant que scientifique en disant, ben voilà, dans votre ADN, on peut retracer une partie de votre histoire, de l'histoire de vos ancêtres. Et ça, c'est frappant, mais à travers le monde, ça intéresse à peu près tous les humains. Donc on a eu quelques réticences. Je me souviens une fois d'une vallée au Tadjikistan qui malheureusement venait de sortir d'une guerre civile où il y avait une résistance parce que les gens n'avaient pas envie de participer à une expédition, à quelque chose qu'ils sentaient issu du gouvernement central, ce qui n'était pas le cas. Le village d'à côté, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que l'ADN permet de savoir quand la lignée humaine s'est séparée de celle des grands singes ? C'est la première question qui a été résolue, je pense, avec l'ADN, enfin une des premières, c'était de dater la séparation de la lignée qui va devenir l'homme et de la lignée qui va devenir le chimpanzé. Et on a la réponse depuis quand ? 7 millions d'années à peu près. Non, mais je veux dire, depuis quand est-ce qu'on connaît cette réponse ? Ah, depuis quand on connaît cette réponse ? Eh ben, la réponse, elle a fluctué depuis une vingtaine d'années. Au début, ça a été analysé avec seulement les protéines et on pensait que la séparation entre l'homme, la lignée de l'homme et celle du chimpanzé était assez récente, de l'ordre de 5 millions d'années, ce qui collait pas du tout avec les données paléontologiques. Et il a fallu plusieurs recalculs, notamment avec l'ADN, calculer ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, qui nous permet de dire depuis combien de temps ces lignées sont séparés. Il y a eu des grands débats et maintenant on en est à peu près à 7 millions d'années. Donc c'est une réponse qui s'est donc stabilisée, on pourrait dire ? On peut dire qu'actuellement ça s'est pas mal stabilisé. Et le résultat, c'est qu'un chimpanzé, par exemple, est plus proche d'un homme ou d'une femme d'aujourd'hui qu'il ne l'est d'un gorille. Et vous évoquez dans votre livre ce qu'on pourrait appeler une distance génétique qui suppose elle-même de définir une métrique. Alors comment est-ce que se définit la métrique des généticiens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure la distance entre une espèce et une autre, d'un point de vue génétique ? Alors d'un point de vue génétique, c'est entre guillemets assez simple, mais derrière il y a plein de calculs. On aligne l'ADN de deux espèces et on compte combien il y a de différences. C'est-à-dire l'ADN, il est fait, l'ADN humain, il est fait de 3 milliards de lettres qui sont A, C, T, G. Donc on peut le voir comme un collier de perles avec 3 milliards de perles qui ont seulement 4 couleurs. Et on aligne ça en parallèle à l'ADN des chimpanzés et on compte combien il y a de différences. Donc on trouve entre l'homme et le chimpanzé environ 1,2% de différence. C'est-à-dire que... Donc ce sont les génomes qui sont différents. Ce sont les avec un taux de 1,2% de différence. C'est ça. Et après, on retranscrit ces différences en temps parce que l'accumulation de ces différences est proportionnelle au temps et c'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. Et notre distance avec les gorilles, mesurée de cette façon ? Avec les gorilles, donc elle est un peu plus. C'est un peu plus, voilà. Et d'où vient, c'est un passage que j'ai trouvé passionnant dans votre livre, d'où vient que nous, les homos, disons, nous sommes partout présents, alors que nos cousins, les singes, ne sont présents qu'en Afrique centrale. C'est assez stupéfiant, hein. Pourquoi on a bougé et pas eux? Alors, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de réfugiés économiques à cette époque-là, hein. Donc, on peut dire qu'à cette époque-là, soit d'une part, on a bougé sans s'en rendre compte, parce qu'encore une fois, c'est des migrations lentes. Donc, on peut très bien bouger 10 kilomètres sans s'en rendre compte. Ou alors, il y a vraiment, moi, je pense, profondément ancré une curiosité, c'est-à-dire un souhait d'aller voir derrière la colline d'à côté. Donc, je pense qu'on est un animal curieux. Donc on a envie de bouger, on a envie d'aller voir. Ça n'est donc pas une pression environnementale qui aurait poussé les humains, si j'ose dire, à se déplacer plus non, que les autres espèces. Pas du tout. On n'a pas. On voit toutes les migrations qu'on a pu observer. Il n'y a pas de cause, de lien direct, de causalité avec des changements environnementaux. On a la bougeotte. On a la bougeotte. Bon. Alors comment est-ce que vous pourriez expliquer, Evelyne Ayer, que notre diversité génétique au sein donc de l'humanité, soit si faible ? Alors, en fait, on a été pendant très longtemps, pendant ces 7 millions d'années, pendant très longtemps, on a été une espèce réduite. On était beaucoup moins nombreux que nos cousins, les chimpanzés, par exemple, qui ont deux fois plus de diversité génétique que nous. Et donc, pendant très longtemps, notre histoire est celle d'un petit groupe suffisamment réduit, enfin, des petits groupes, hein, plus suffisamment réduits pour que finalement, on ait peu de diversité génétique. Parce qu'on n'est pas assez nombreux pour qu'il y ait beaucoup de mutations. mutations génétiques ? On n'est pas assez nombreux pour conserver beaucoup de diversité génétique. La diversité génétique d'une espèce est proportionnelle à la taille en effectif de l'espèce en question. Est-ce que l'âge du père compte ? Dans les mutations. L'âge du père compte, ça fait partie des... Vous dites que plus l'âge du père est élevé, plus le nombre de mutations dans sa descendance est élevé. Oui, c'est un des résultats surprenants de ces dernières années. En fait, on a pu calculer directement en séquençant des génomes de trio, c'est-à-dire de père, mère, enfant, on a pu directement compter les nouvelles mutations qu'il y avait chez l'enfant, c'est-à-dire des mutations qui n'étaient portées ni par le père ni par la mère. Et on s'est rendu compte que ce nombre de mutations, qui est de 70 en moyenne, augmente plus le père est âgé. L'âge de la mère a moins d'importance. Est-ce que c'est une recommandation sur l'âge où un homme doit avoir des enfants ? Non, parce qu'il faut bien se dire que 70 mutations sur 3 milliards de paires de base, il y a très peu de chances que ça tombe à un endroit où ça puisse causer des problèmes, même si c'est une hypothèse qui avait été émise à un moment donné pour expliquer des maladies qui sont plus fréquentes quand le père est âgé, comme par exemple l'autisme, ça a été assez vite réfuté. Qu'est-ce qui nous est spécifique, outre la curiosité, la bougeotte dont vous parliez tout à l'heure, Evelyne Ayer, qu'est-ce qui est spécifique au genre humain ? Est-ce que c'est la bipédie qui est totale pour nous ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un grand cerveau ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un langage complexe ? Est-ce que ces trois choses sont liées ? Alors en fait, c'est que ces trois choses sont liées. Au moment où la bipédie, je dirais, constante émerge, ça bloque le bassin des femmes, donc ça crée des problèmes à l'accouchement, étant donné qu'en parallèle, la taille du cerveau a augmenté. Expliquez-moi ça, j'ai pas compris. C'est-à-dire que vous avez la taille du cerveau qui a augmenté au fil de l'évolution, et d'un autre côté, vous avez la bipédie qui bloque le bassin des femmes et ce qui rend l'accouchement... Qui le bloque dans quel sens ? Physiquement ? Physiquement. Mécaniquement, le bassin est bloqué du fait de la bipédie. Et du coup, un cerveau plus gros à passer dans quelque chose de plus bloqué, c'est compliqué. Ah, c'est un problème compliqué. Pour l'accouchement. Voilà. Et du coup, l'accouchement est rendu plus difficile. Et donc, par sélection naturelle, ce qui a émergé comme solution, entre guillemets, c'est de nous faire naître immatures. Notre cerveau, quand on naît, est pas fini, et la tête va encore grossir, le cerveau va encore grossir, ce qui fait une longue phase juvénile chez le petit humain, phase juvénile importante, parce que c'est le temps pendant lequel il y a beaucoup d'apprentissage, notamment d'apprentissage social, et une longue phase d'apprentissage qui est beaucoup plus longue chez l'humain que chez nos cousins, les grands singes. Alors, j'avais justement une question sur le langage. Comment est-ce qu'il est apparu ? Parce que on parle de la découverte du feu, ou la maîtrise du feu, et on sait qu'elle s'est produite à peu près partout en même temps, au cours de l'évolution, soit par diffusion, soit parce que les cerveaux capables de maîtriser le feu sont apparus un peu partout au même moment. Mais pour le langage, est-ce qu'on sait s'il est apparu de façon uniforme à la surface de la planète, ou est-ce que ça a été plus diffus ? De toute façon, le langage, il a forcément apparu en Afrique, vu qu'on est issu de l'Afrique. Donc notre espèce vient d'Afrique, donc le langage a forcément émergé en Afrique. Maintenant, quand il est apparu, ça c'est un grand débat. Et on va avoir du mal à retracer quand il est apparu. Néanmoins, il y a quand même des périodes clés dans l'évolution de l'homme. À 2 millions d'années, grosso modo, hein, à peu près, ça va énerver mes collègues préhistoriens, mais on va dire à environ à 2 millions d'années, on se met à faire des objets symétriques. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui émerge dans le cerveau. Alors est-ce que c'est aussi le moment où le langage aurait émergé ? Ça va être très difficile de le savoir parce que par définition, on n'a pas de traces écrites. Mais en tous les cas, on voit à ce moment-là qu'il y a quelque chose de différent qui émerge dans le cerveau. Est-ce que le fait de maîtriser le feu a joué sur la taille du cerveau ? On dit que la viande cuite, enfin on le dit pas, on le mesure, que la viande cuite libère plus d'énergie que la viande crue. Est-ce que le rendement énergétique de l'alimentation a pu jouer un rôle sur la croissance de la taille du cerveau ? Alors, le feu a certainement joué un rôle sur l'accroissement de la taille du cerveau parce que, effectivement, comme vous le dites, une viande cuite libère plus de protéines, donc on a moins besoin, entre guillemets, d'avoir de la nourriture. On en a plus facilement, et ce qui permet de dégager du temps pour faire autre chose. Mais, en fait, le cerveau avait déjà commencé à augmenter avant l'émergence, enfin on pense la domestication vraiment régulière du feu, qu'on estime à 800 000, 400 000, c'est assez variable parce que c'est très difficile d'avoir des dates précises de quand on domestique le feu, alors que l'augmentation de la taille du cerveau date de bien avant, au moins de 2 millions d'années. Et en fait, une autre technique... L'oscillateur de poulet d'œuf, c'est peut-être l'augmentation de la taille du cerveau qui a permis la maîtrise du feu. Ouais, mais on a quand même un décalage de plusieurs millions d'années. Et il y a une autre technique, c'est que si vous abrasez, si vous frottez les aliments aussi, ils dégagent plus de protéines. Et on sait qu'il y a des outils à cette époque-là pour frotter la nourriture, les tubercules, etc. Depuis quand est-ce qu'on cuisine ? Depuis quand est-ce qu'on cuisine ? Ça fait plusieurs millions d'années. Bon, alors moi, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent parler d'une espèce de paradigme qui associait chaque gène à une fonction particulière, où toute fonction était rapportée à un gène. On parlait du gène de ceci ou du gène de cela. Ça faisait la une des magazines. Est-ce que c'est un paradigme qui tient toujours ? Non, on n'est plus du tout dans ce paradigme-là. On voit que d'abord, un même gène peut être impliqué dans plusieurs fonctions, que pour une fonction donnée, il y a plusieurs gènes d'impliqués. Donc non, on en est revenu. Par exemple, la taille, on sait, entre guillemets, que c'est très codé génétiquement. On en est à 3000 bouts du génome qui auraient une implication dans les différences de taille. Il n'y a pas un gène qui fait grand, un gène qui fait petit, sauf dans des cas extrêmes. C'est une simplification finalement d'associer toute fonction à un gène. Oui, c'est une simplification, tout à fait. Est-ce que vous pouvez, Vinayer, nous parler d'un homme qui m'a fasciné à la lecture de votre livre, qui s'appelle Homo Georgicus. L'homme de Géorgie. Qui permet de comprendre pourquoi, enfin, quand en tout cas des gens sont sortis d'Afrique. Vous avez dit, c'est la curiosité qui les a poussés. On pourrait aussi dire que c'est la pratique de l'ultra-trail. Les gens couraient pour aller chasser, parcouraient des distances très longues, non? On le saura jamais. Moi, je pense que c'est plutôt la curiosité, parce que c'est quelque chose qui dure tout au long de l'épopée humaine. Mais il faut avoir les forces de sa curiosité. Il faut avoir les forces de sa curiosité. Courir, marcher longuement. Oui, il faut pouvoir courir, marcher longuement. Mais attention, c'est pas un monsieur qui est sorti d'Afrique qui est arrivé en Géorgie. Hein. C'est des choses qui se font graduellement, petit à petit. Et il faut bien se rappeler que l'Afrique, déjà, c'est un paysage très varié. Hein. Donc il n'y a pas une manière de vivre en Afrique, il y a plusieurs manières de vivre. Et l'homme de Géorgie est fascinant parce qu'il date environ de 1,8 million d'années. Et c'est la première trace démontrée d'une première sortie d'Afrique, donc autour de 1,8-2 millions d'années. On avait des idées avant qu'il y aurait eu des sorties d'Afrique autour de ces périodes-là, parce qu'on a trouvé des objets lithiques en Chine, qui datent de un peu plus de 2 millions d'années, et qui, a priori, auraient été conçus par des homos, donc des gens de notre lignée. Qu'est-ce que vous appelez l'effet fondateur ? Ah, l'effet fondateur. Qu'en Afrique, les humains ont une diversité génétique plus grande que partout ailleurs. On aurait pu penser l'inverse. Oui, alors cet effet fondateur, c'est fondamental. C'est comme ça qu'on a pu démontrer que notre espèce vient d'Afrique. C'est tout simplement le principe que quand vous partez d'une grande population et qu'il y a seulement un petit groupe qui va un peu plus loin, vous pouvez pas emmener toute la diversité génétique. L'exemple le plus simple, vous prenez un amphithéâtre et vous avez une centaine de personnes qui ont toutes des couleurs d'habits différents. Vous leur dites, il y en a 10 qui vont dans la salle d'à côté. Vous faites un effet fondateur. Par définition, il y a moins de diversité que dans le groupe original. Et donc, le fait qu'on ait cette plus forte diversité génétique en Afrique est un des arguments de preuve qui démontre que notre espèce Homo sapiens vient bien d'Afrique. Alors, je vais bousculer l'échelle des temps. Allez-y. Des Néandertal. On sait que Néandertal a cohabité pendant plusieurs milliers d'années avec Homo sapiens. Tout à fait. Et on sait qu'il y a eu des rapports sexuels réussis, au sens où ça a permis d'enfanter aux femmes en question, et on est même capable de les compter. Alors, et sur 10 millions de fréquentations, il y a eu, dites-vous, un peu plus de 100 coïts réussis. Voilà, c'est pas beaucoup. En fait, c'est la simulation qui dit il en faut au moins 100 pour, 150. Parce qu'on a de l'ADN de Néandertal dans notre ADN d'Homo sapiens. Tous les humains qui ont leurs ancêtres à l'extérieur de l'Afrique ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Et donc, pour arriver à ces 2% à l'heure actuelle, on peut faire des simulations et on peut calculer qu'il faut au minimum 150 coïts qui ont fonctionné et qui ont donné des descendants. Non, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, on dit que c'est 130 en 10 000 ans. C'est pas beaucoup. Alors peut-être qu'il y en a eu beaucoup plus et puis que finalement, leurs descendants n'ont pas transmis leurs gènes jusqu'à nous. Et comment ça se passait, une rencontre entre une femme homo sapiens et un homme néandertal ou l'inverse? Dîner aux chandelles? Ou plutôt des viols? Bah, écoutez, là, on pourra jamais le savoir, mais on n'a pas besoin d'invoquer les viols, parce qu'on voit bien dans les populations actuelles qu'il y a des mélanges entre des groupes différents sans qu'il y ait de viols. On peut imaginer un dîner aux chandelles. Bon, c'est la version, disons, romantique de cette période. Mais vous dites quand même qu'on a pu savoir que les femmes sapiens ont plus fricoté, si j'ose dire, avec les hommes néandertals que l'inverse. C'est-à-dire que les femmes sapiens avaient sans doute un penchant plus grand pour les hommes néandertals que les femmes néandertales pour les homo sapiens. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? En fait, on utilise un bout du chromosome, un bout de notre génome qui est super intéressant, c'est le chromosome X. Les femmes en portent deux, les femmes sont XX et les hommes sont XY. Et on voit que dans les bouts de génome qu'on a reçus de Néandertal, il y en a très peu sur le chromosome X. Ça veut donc dire que Néandertal nous a peu transmis de bouts d'ADN qui venaient du chromosome X, ce qui est tout à fait compatible avec le fait que ce sont des femmes sapiens croisées avec des hommes Néandertal. Maintenant, il y a d'autres hypothèses de sélection des hybrides qui feraient que ça marche mieux quand c'est du X sapiens et du Y néandertal que l'inverse. Evelyne, hier, je voulais vous faire réagir à un texte que j'ai trouvé qui est paru au début du XXe siècle, qui a été écrit par un historien d'art, je crois, qui s'appelle Elifor, qui s'intéressait à la préhistoire, et je voulais savoir si ce qu'il dit vous paraît tenable ou pas. Il dit ceci: « Dès le début, deux grandes forces humaines réalisent un équilibre qui ne sera jamais rompu. La femme, centre de la vie immédiate, élève l'enfant et maintient la famille dans la tradition nécessaire à la continuité sociale. L'homme, foyer de la vie imaginaire, l'homme est associé au moins à un foyer. Vous voulez que je réagisse tout de suite ou je suis obligé d'attendre l'homme, la fin? Foyer de la vie imaginaire s'enfonce dans le mystère inexploré pour préserver la société de la mort en la dirigeant dans les voies d'une évolution sans arrêt. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Non, mais on voit, c'est une vision très genrée de cette époque-là. On n'a pas de données qui disent que c'est plutôt les femmes ou les hommes qui s'occupaient des enfants, par exemple. On n'a pas tellement d'informations là-dessus. Alors là, je sors de mon domaine de compétence et du livre, mais il me semble que les analyses des mains qui ont été faites dans les grottes ornées où on a des mains en impression négative montrent que ce serait plutôt des femmes. Donc, il y a peut-être des choses à revoir. Vous avez parlé, Evelyne Layard, de ces humains qui ont quitté l'Afrique par l'effet de leur curiosité et de leur force physique. Non, pas forcément la force physique. Bah, il faut marcher. Oui, mais on marchait. On marchait longtemps. Pour vivre aussi en Afrique, il faut marcher. Mais l'Australie, pour y aller. Ah, il a fallu un bateau. Comment ça s'est passé? Alors, donc, vous racontez une histoire passionnante, une histoire de cheveux. Oui, en fait, bon, je raconte aussi, en parallèle à ce qu'on a pu découvrir, je raconte aussi dans mon livre l'aventure scientifique qu'il y a derrière, qui permet de raconter ce qu'on sait à l'heure actuelle. Et c'est vrai que la première analyse génétique qui a permis vraiment de démontrer que l'Australie, les aborigènes australiens descendent de gens qui se sont installés en Australie il y a environ 50 000 ans, l'analyse a été faite à partir de cheveux qui avaient dans les collections. Après, ça a été confirmé par d'autres études ultérieures. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que l'Australie, ça a toujours été loin des côtes. On n'a jamais pu y aller à pied. Donc, à n'importe quelle période, même au moment où la mer est la plus basse et où on peut le plus se déplacer à pied, il a fallu des bateaux. Et l'autre chose fascinante, c'est que l'Australie, pour être colonisée comme elle a été colonisée, c'est pas deux personnes, c'est plusieurs centaines de personnes. Ça sous-entend qu'il y avait à cette époque-là des organisations qui pouvaient mettre en place des bateaux à plusieurs et qui sont allés en Australie. Et alors, ils ne savaient pas où ils allaient. Alors, l'Australie, là, il y a des gens gens qui ont fait en fait de la paléo-océanographie, c'est-à-dire qui ont retracé les anciens courants et les anciens niveaux des îles dans le passé, et qui ont trouvé une route où on verrait une île, on verrait le sommet des îles de loin en loin, ce qui serait un trajet possible pour être allé en Australie. Mais encore une fois, ça sous-entend une grande curiosité, parce que vous voyez un tout petit bout d'île au loin et vous avez envie d'y aller, quoi. Est-ce que là, on peut pas évoquer une sorte de pression environnementale ou autre qui oblige à partir plutôt que la simple envie d'aller y voir? Écoutez, il n'y a aucune raison environnementale à ces périodes-là. On est en très faible densité, il y a de quoi manger partout. On voit pas vraiment de raison, entre guillemets, environnementale qui pousserait les hommes à aller, les hommes avec un grand H, hein, les hommes et femmes, à aller en bateau s'installer en Australie. Evin Ayer, je l'ai dit, vous avez beaucoup voyagé, vous avez même repéré des morceaux de musique, de rock, mongol, avec des sons de gorge. Tout à fait. On va écouter un morceau qui est joué par le groupe Tanger Cavalry, je crois, et on en parlera juste après. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Evin Ayer, je vous ai vu sinon danser, du moins bouger en rythme sur votre fauteuil. Si j'ai bien compris, c'est du rock sino-américain avec des sons de gorge. Oui, tout à fait. C'est des groupes qui viennent de la Mongolie. En Mongolie, mais aussi en Sibérie, dans la République Touva, il y a une tradition des chants de gorge. Et moi, j'aime bien ce morceau parce que je trouve que le hard rock va bien avec cette idée de chevaucher. On imagine bien les gens sur les grandes plaines de Mongolie, à cheval, au galop. Voilà, Vous avez étudié longuement, par de nombreuses missions, j'ai parlé d'Asie centrale, mais vous avez aussi étudié les pygmées. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant du point de vue génétique? Alors, les pygmées sont intéressants parce que ce sont des populations forestières et ce sont des populations qui sont traditionnellement, qui étaient chasseurs-cueilleurs, qui maintenant échangent avec les agriculteurs voisins, mais donc qui ont un mode de vie qui ressemble en partie, hein, parce que encore une fois je dis, ils vivent pas isolés, ils échangent avec le reste, mais qui ressemble en partie à l'essentiel du mode de vie qu'on a eu pendant toute notre évolution humaine. Parce que pour l'essentiel de notre évolution, on est chasseur-cueilleur, c'est-à-dire on chasse et on cueille. L'arrivée de l'agriculture est relativement récente dans l'histoire de l'évolution et donc dans l'histoire de l'humanité. Et donc les pygmées sont intéressants parce que c'est un des plus grands groupes au monde qui est encore traditionnellement chasseur-cueilleur, et donc de comprendre comment ils vivent et de comprendre les échanges entre les groupes, les échanges avec les groupes voisins, ça nous renseigne aussi sur un peu notre évolution. Mais ça, voilà, mais les pygmées sont bien sûr tout aussi évolués que nous. Est-ce que on est capable de dire, grâce à l'ADN, quelle était la couleur des premiers Européens? Oui, c'est un des résultats chouettes de l'ADN ancien. Alors ça donne quoi? Alors l'ADN ancien, c'est quand on extrait l'ADN de fossiles anciens, et les premiers Européens de l'Ouest, ils étaient noirs de couleur de peau avec les yeux bleus. Donc Tout le monde avait les yeux bleus. À peu près tout le monde, c'est une mutation qui devient très fréquente. Mais encore une fois, c'est parcellaire, hein, parce que on a des données sur peut-être une cinquantaine de squelettes. Mais en tous les cas, en Europe de l'Ouest, oui. Alors on savait a priori que les premiers Européens, entre guillemets, seraient de couleur de peau foncée, étant donné nous venons tous d'Afrique où il y a eu une sélection forte pour une couleur de peau foncée pour protéger dans l'ensoleillement du soleil. Et donc, en arrivant en Europe, c'était raisonnable de penser que ceux qui arrivaient étaient de couleur de peau foncée. Mais on pensait qu'après, il y avait eu une sélection assez rapide pour une couleur de peau plus claire du fait d'un moins bon ensoleillement. Et quand l'ensoleillement est faible, une couleur de peau plus claire permet de mieux assimiler la vitamine D. Donc, on était dans ce schéma de pensée-là. Et en fait, on se rend compte que les Européens restent très longtemps de couleur de peau noire, qu'il faut attendre l'arrivée de ce qu'on appelle le néolithique, donc on va dire grosso modo pour fixer les dates, il y a 10 000 ans même si on peut affiner, pour qu'on voit une sélection sur des couleurs de peau plus claires. Donc il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. Il y a des populations qui arrivent du Moyen-Orient qui sont plus claires, et en plus on a une sélection pour des couleurs de peau plus claires parce que notre alimentation devient moins riche en vitamine D. Et comme elle est moins riche en vitamine D, alors ça devient d'autant plus important d'avoir une couleur de peau plus claire pour capter l'ensoleillement. C'est assez subtil. Oui, c'est subtil. Alors, vous racontez aussi que, enfin, on apprend à l'école que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. En fait, c'est plutôt les Américains qui ont découvert Christophe Colomb. les premiers Américains venaient de Sibérie. Mais ça fait une trotte. Ah, ça fait une trotte. Alors, ils sont passés par le détroit de Bering, donc là, tout au nord, et puis ça a pris plusieurs milliers d'années. On commence à avoir des données, on pense qu'ils se sont arrêtés à un certain moment aux environs de l'Alaska, enfin, côté russe. Et les Amérindiens actuels descendent pour l'essentiel de ces gens venus de Sibérie il y a 15 000 ou 20 000 ans. Et d'ailleurs, quand j'étais sur le terrain en Asie centrale, c'est ce qu'adoraient les gens. Quand je leur disais, oui, mais vous savez, dans votre ADN, on peut retrouver l'histoire de vos ancêtres, et vous savez que ce sont vos ancêtres qui sont partis coloniser l'Amérique. Et inversement, quand vous dites aux Américains d'origine, si j'ose dire, qu'ils venaient de Sibérie, ça provoque quel type de réaction? J'ai pas fait ça, j'ai pas encore travaillé avec les Amérindiens d'Amérique du Nord. On va sauter les étapes, mais il y a évidemment l'invention de l'agriculture. Est-ce qu'on est capable de la dater et surtout de localiser les endroits où elle est apparue en premier? Alors, elle est apparue clairement dans le Moyen-Orient. Il y a plusieurs foyers maintenant, et on se rend compte avec les données génétiques que ça a l'air d'être des foyers un peu indépendants, mais qui ont peut-être échangé un peu entre eux. Donc, il y a des foyers, je dirais, au niveau à peu près du Liban, au sud de la Turquie, et des foyers un peu plus à l'est, plutôt vers l'Irak et l'Iran. Et les agriculteurs qui viennent en Europe, donc on va dire il y a à peu près 8000 ans, sont ceux du sud de l'Anatolie. C'est de là d'où sont issus les agriculteurs qui vont arriver en Europe. Ça, c'est pour ce qui est, c'est pour la datation. On est capable de dater le commencement de l'agriculture, mais est-ce qu'on comprend les raisons pour lesquelles des groupes humains se sont mis à cultiver les terres? Alors, ça fait partie des résultats surprenants qu'on a eu avec nos données génétiques. C'est qu'avec les données génétiques, on peut retracer quand il y a eu une augmentation de taille des populations dans le passé. C'est-à-dire quand l'effectif des populations a augmenté rapidement dans le passé. Et on trouve que les populations, les premières qui sont devenues agricultrices, ont eu une augmentation démographique avant la transition vers l'agriculture. Comme si, finalement, c'est des populations réussissaient mieux dans leur environnement, donc elles ont une croissance démographique, et c'est ça qui les fait basculer vers l'agriculture, qui, en retour, entraîne à nouveau une croissance démographique. Peut-être que je vais vous donner l'impression de passer du coq à l'âne, mais les questions me viennent en rafale. Depuis quand est-ce que l'homme, enfin le genre homo, disons, boit du lait? Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'un organisme comme le nôtre soit capable de le digérer? Ça fait partie des beaux résultats, encore une fois, mais j'arrête pas de dire qu'on a eu des beaux résultats en génétique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire le livre. En fait, on sait que comme tous les mammifères, normalement, on ne digère pas le lait quand on est adulte. C'est-à-dire l'enzyme, la lactase, qui permet de digérer le lactose du lait, devient inopérante à l'âge adulte. Or, chez l'humain, il y a des populations humaines où les adultes digèrent le lait, c'est-à-dire que cette lactase continue de fonctionner. Et on s'est rendu compte qu'à travers le monde, en général, c'est des populations qui, traditionnellement, boivent du lait, et ce, depuis plusieurs milliers d'années. Et c'est des mutations indépendantes qui sont arrivées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec le cas extrêmement surprenant de l'Asie centrale et de la Mongolie, où ces populations ont une alimentation très riche en produits laitiers, mais n'ont pas cette mutation qui permet aux adultes de digérer le lait. Mais alors comment ça se passe ? Ils en mangent beaucoup sans pouvoir le digérer. Voilà, alors on a deux hypothèses. La première, c'est que naturellement, le lait est fermenté là-bas, et ce, depuis finalement très longtemps. Et il y a aussi des hypothèses, j'ai une collègue qui monte des recherches là-dessus, de tester la flore intestinale, qui serait peut-être aussi différente. Et quelle est la proportion d'humains, si on peut la connaître, d'humains qui ne peuvent pas digérer le lait aujourd'hui? C'est énorme. Alors moi, j'ai les chiffres en tête en Europe. En Europe du Nord, on a 80-90% des gens qui digèrent le lait. En Europe du Sud, c'est 50%. En Asie, c'est seulement 5% des individus qui digèrent le lait. Donc en Afrique aussi, vous avez des populations qui digèrent le lait et d'autres à côté qui ne le digèrent pas. Donc j'ai pas le chiffre global sur la planète, mais on doit être assez nombreux à ne pas digérer le lait adulte. Bon, j'ai une question sur les Basques. j'ai des amis basques qui me parlent de ce qu'on appelle l'énigme basque. Et vous dites qu'il serait en fait une sorte de reliquat des chasseurs-cueilleurs originaux. C'est ce qu'on pensait, c'est pas ça. Est-ce que, je ne sais pas comment ils vont le prendre. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Voilà. En fait, c'était l'idée qu'il y avait au départ. Donc les Basques sont un petit peu différents génétiquement, mais surtout ils parlent une langue assez différente. Et donc l'idée, c'était qu'ils étaient entre guillemets des reliquats des chasseurs-cueilleurs européens. Et en fait, les données montrent que ce n'est pas le cas. Ils ont reçu l'afflux des agriculteurs du Moyen-Orient comme les autres populations européennes. Ils ont reçu un afflux après des nomades venus des steppes à l'âge de bronze il y a 5000 ans, comme les autres populations européennes. Leur distinction génétique est plus tardive et relativement récente et s'explique vraisemblablement par un léger isolement du fait de parler une langue différente, mais non, ça, leur différence ne remonte pas à aussi longtemps que ce qu'on pensait. Vous voulez dire qu'il y aurait une sorte de barrière culturelle ? Dès qu'il y a une petite barrière culturelle, c'est-à-dire qu'on se mélange un peu moins avec les voisins qu'avec les gens de son propre groupe, ça fait des petites différences génétiques. Par exemple, il y a une carte qui a été faite de la diversité génétique en Angleterre, où on voit des différences entre le Devon et les Cornouailles, alors qu'il n'y a pas de montagne, il n'y a rien pour les séparer. Il suffit que tout groupe humain préfère de se marier plutôt entre soi pendant un grand nombre de générations, et ça crée des petites différences. Mais il n'y a jamais de groupe étanche. Hein, c'est juste une petite préférence sur un grand nombre de générations qui suffit pour faire ces petites différences génétiques. Mais des groupes vraiment étanches qui ne se sont pas mélangés avec d'autres groupes, ça n'existe pas. Quand vous avez deux groupes humains qui se côtoient, inévitablement ils se mélangent. Page 217, Evelyne Heyer, vous dites « Le mariage est une chose grave ». Bon, on était au courant, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ouais. Non, mais pour, en fait, qui on va choisir comme conjoint, qui est quelque chose de déterminé culturellement et fondamental dans l'évolution du patrimoine génétique des populations. Est-ce que vous allez vous marier avec quelqu'un qui parle la même langue ou pas? Et on a vu en Asie centrale des choses assez stupéfiantes où des gens préfèrent épouser un conjoint qui vit très loin mais qui parle la même langue plutôt que d'épouser quelqu'un du village d'à côté où la langue serait différente. Alors, il y a l'histoire des filles du roi. que vous racontez longuement à propos du Québec. C'est un peu cette histoire qui s'est jouée. Comment on essaie de, par une sorte de politique de la natalité, de favoriser tel ou tel type de descendance? Ah oui, il y a eu carrément ce qu'on appelle la guerre des berceaux. Hein. C'est que, en fait, une fois que la Nouvelle-France a été perdue par les Français, c'est les Anglais entre guillemets qui ont gagné la Nouvelle-France, donc plutôt des gens protestants, le clergé catholique s'est lancé dans une espèce de guerre des berceaux, avec comme idée de pas se laisser submerger par les protestants, mais de pousser aux familles nombreuses, et ce, sur un grand nombre de générations. Est-ce qu'on en voit les traces aujourd'hui ? J'imagine que oui. Ah ben on en voit les traces génétiques sur certaines maladies qui sont spécifiques de certaines régions du Québec. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a quelques maladies spécifiques de cette région. À l'inverse, ils ont échappé à d'autres maladies qu'on retrouve, par exemple, en France. Mais donc, certains fondateurs se sont beaucoup reproduits, leurs enfants se sont beaucoup reproduits, et ce, de génération en génération, ce qui fait que, finalement, les gènes qui peuvent entraîner des maladies, quand vous les recevez, à la fois de votre père et de votre mères se sont retrouvées très fréquentes dans la population et que du coup, maintenant, par hasard, vous avez des gens qui vont le recevoir à la fois de leur père et de leur mère. Alors, il y a des avantages génétiques, si on peut parler en ces termes, qui, au fil du temps, se transforment en handicap. Vous parlez du gène économe qui fait que dans certaines îles du Pacifique, on trouve des populations dans lesquelles le taux d'obésité explose 80%, je crois, et ça s'explique de façon génétique. Oui. Là, c'est la grande hypothèse du gène économe, c'est que en fait, à un moment donné de l'histoire de ces populations, il y a eu une sélection forte pour des mécanismes génétiques qui permettent de faire des réserves, autrement dit d'accumuler sous forme de gras des réserves pour un peu prévenir en cas de disette, et finalement qui se retournent contre les populations maintenant, étant donné qu'on est dans des populations qui ont largement de quoi manger et donc qui vont avoir tendance dans leur métabolisme à devenir beaucoup plus facilement, malheureusement pour eux, obèses ou diabétiques. Mais est-ce que ça, c'est pas une menace pour l'humanité dans son ensemble ? Ah bah ça, c'est l'évolution. Hein. Un gène, il peut être intéressant à un moment donné et pas l'être plus tard. Hein. Parlez-nous, Evelyne Ayer, de l'île de Pâques. Ah oui, l'île de Pâques. C'est une belle histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, là aussi, il faut y arriver. Hein, depuis les côtes d'Amérique du Sud, c'est quand même une grosse distance. Alors, il n'y a pas d'île entre. La colonisation de l'île de Pâques, ça vient de la Polynésie. Donc, c'est des Polynésiens qui sont allés en île de Pâques. Il y a eu une guerre culturelle, je crois, entre l'Amérique du Sud et puis la Polynésie à propos de savoir qui était venu en premier. Qui était venu en premier? Alors, d'après les données génétiques, bon, c'est visiblement essentiellement des Polynésiens qui ont colonisé l'île de Pâques. Ça a été confirmé. Mais néanmoins, il y a des études génétiques récentes, là, pas de mon labo, mais qui sont sorties il y a quelques semaines, qui montrent qu'il y aurait eu un lien génétique ancien entre l'Amérique et la Polynésie avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et l'hypothèse, elle avait déjà été évoquée avec la patate douce. Parce que finalement, des anciennes patates douces en Polynésie que l'on retrouve auraient leur origine en Amérique centrale. Donc, il y aurait eu des liens entre la Polynésie et l'Amérique. Bon, mais c'est des pouillèmes hein, dans le génome. Hein. L'essentiel du génome des Amérindiens, il vient vraiment de la grande migration qui a eu 15-20 000 ans depuis le détroit de Bering. Evelyne Ayer, là, vous nous racontez beaucoup d'histoires qui ont été en quelque sorte résolu, éclairci par l'étude de l'ADN, mais est-ce qu'il y a pour vous des paradoxes, c'est-à-dire des situations qui semblent contradictoires avec ce que vous savez ou avec tous les modèles que vous avez pu élaborer, des situations génétiques que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a des situations génétiques que l'on ne comprend pas? Assez rarement, parce qu'en fait, comment on fonctionne? On construit des scénarios d'histoire des populations et on cherche les scénarios d'histoire qui collent le plus avec les données génétiques. Donc, en général, on va couvrir des scénarios plus ou moins larges. Néanmoins, il y a toujours des résultats qui ont été amenés directement par la génétique qui ont été particulièrement intéressants, surprenants, comme le croisement entre Sapiens et Néandertal. C'était des hypothèses, mais le démontrer, finalement, la génétique, elle permet en quelque sorte de démontrer des scénarios qui souvent sont construits par des archéologues, par des paléoanthropologues. On travaille pas tout seul. Donc, on va pouvoir, avec les données génétiques, infirmer ou, au contraire, corroborer différentes hypothèses. Mais j'ai dit dans mon introduction que vous utilisez la puissance de l'informatique et des techniques d'amplification de l'information génétique. C'est-à-dire, vous faites des simulations ? Oui. On fait beaucoup de simulations, c'est-à-dire pour retranscrire de la diversité génétique et des différences entre les populations humaines en histoire de migration, on va faire des simulations qui simulent les différents scénarios possibles, les différentes histoires, et on va simuler des individus qui portent des gènes et qui les transmettent, et on va trouver le scénario qui colle le mieux avec nos données actuelles. Et donc, c'est vrai que toutes ces histoires de migration, on commence à les aborder du fait de l'avancée, d'une part, du séquençage de l'ADN, mais aussi toutes les techniques informatiques. Les physiciens ont le paradoxe des jumeaux, qui est un des paradoxes de la relativité. Deux frères jumeaux sur Terre, l'un est envoyé dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, et quand il revient, nous disent les équations d'Einstein, il n'a plus le même âge, donc ils n'ont plus jumeaux, etc. Vous avez un paradoxe des jumelles. Oui. Alors, c'est un effet de la parité. Non, mais les jumelles, c'était intéressant. Je le raconte par rapport aux tests d'origine génétique, parce qu'il y a des jumelles qui se sont amusées à faire leurs tests d'origine génétique. Vous savez, ces espèces de tests maintenant où pour une somme modique, on peut faire analyser son ADN à l'étranger et savoir d'où on vient. Voilà. Mais c'est une fausse appellation. C'est pas une origine géographique. C'est pas une origine géographique. En fait, c'est que votre ADN, encore une fois, faut le voir comme plein de petits bouts, et chaque bout, on le compare à ce qu'on appelle des populations de référence pour voir à quelle population vous ressemblez le plus. Donc, vous allez avoir, par exemple, 10% de vos petits bouts d'ADN qui ressemblent plus à des Italiens. Et du coup, on va vous dire, bon, ben, vous avez 10% dans vos gènes d'Italiens. Alors, c'est des tests qui sont très développés et qui posent le problème des populations de référence. Et surtout qu'on rapporte ces bouts d'ADN à des nationalités. Oui, à des nationalités. Par exemple, en France, donc on sait en général sur l'ensemble de la planète, mis à part les déplacements forcés ou les grandes migrations du 18e, que plus une population est proche d'une autre, plus on se ressemble génétiquement. Il y a ce qu'on appelle un gradient géographique. Donc, par exemple, si la population de référence pour la France, c'est des gens qui ont leurs ancêtres qui sont de Nice, et que vous êtes du nord de la France, on va plutôt vous dire avec ces tests d'origine génétique que vous êtes belge plutôt que vous êtes français, entre guillemets. Donc, c'est des tests qui sont ludiques. Donc, c'est pas clair si on habite près des frontières. Ah oui, c'est pas clair si on habite près des frontières. Et puis, c'est pas clair parce qu'on connaît pas forcément comment sont faites les populations de référence. Elles sont certainement bien faites, mais ce serait bien d'avoir les données, de pouvoir les valider. Bon, prenons un exemple fictif. Moi, j'ai pas fait ce test, mais imaginons que ça donne, je sais pas, 30% allemand, 10% italien et le reste espagnol. Qu'est-ce que je peux en déduire ? Ah ben ça, je sais pas, parce qu'il faudrait demander aux gens qui font ces tests. Ce que vous pouvez en déduire, moi, je dirais la première chose, c'est que vous avez des ancêtres migrants. Et mais ça, comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, et que vous avez une partie de vos origines qui sont de différents endroits en Europe. Alors comment est-ce que vous expliquez le fait que ces techniques qui permettent de connaître, entre guillemets, ses origines, soient aussi populaire aujourd'hui, que beaucoup essaient de connaître alors, par l'analyse des téléphones. Il faut voir quand même, au début, les premiers tests d'origine génétique, ils ont été développés par les Afro-Américains qui voulaient retracer leur origine quand leurs ancêtres ont été amenés comme esclaves aux États-Unis. Et donc, c'était l'idée d'essayer de voir de quel pays d'Afrique, de quel endroit d'Afrique ils venaient. Donc, je pense que ça a commencé comme ça. Et après, je pense que ça a un aspect ludique, quoi. C'est dans une quête d'identité. L'identité génétique serait une des identités. Le problème, c'est quand ça devient figé, c'est-à-dire quand c'est l'identité qui va primer sur toutes les autres. Parce qu'on veut se trouver une origine qui est plus prestigieuse que celle du voisin. Il y a quand même cette tendance-là. Il y a cette tendance dans les mouvements qu'on appelle alt-right aux États-Unis, où ils veulent se trouver des ancêtres nordiques du nord de l'Europe. Donc eux, c'est vraiment leur objectif clairement défini de voir s'ils sont effectivement du nord de l'Europe. Est-ce que ça marche ? Il y a des contre-exemples. Dans le livre, je donne un contre-exemple de quelqu'un d'alt-right qui découvre en ligne qu'il a 14% de son génome qui vient d'Afrique. Et alors, il réagit mal. Il réagit de manière très très interloquée. Il est un peu figé, quoi. Mais comment est-ce qu'on peut justement éviter ce que vous appelez dans le livre l'essentialisation, c'est-à-dire le fait de se réduire à cette espèce de patrimoine qu'on souhaite avoir le plus prestigieux possible? Ben, c'est l'idée de se rappeler qu'on a toujours des identités multiples, puis qu'on peut choisir l'identité qu'on veut mettre en avant, et que c'est pas parce que il y a des tests scientifiques entre guillemets sur les origines génétiques qu'ils doivent primer sur les autres identités qu'on veut mettre en avant. Donc c'est bien de se rappeler qu'un être humain n'est jamais défini uniquement par son ADN, loin de là. Ça montre aussi, comme vous l'avez rappelé, que nous avons tous des ancêtres migrants. Oui. Et que nous aurons tous des descendants migrants. Oui. Et quelle valeur politique peut-on donner à ce message à une époque où les nationalismes ont l'air de, au moins à certains endroits, de revenir en force? Je pense que c'est de rappeler que la migration, c'est entre guillemets un phénomène naturel dans notre espèce, et qu'il faut pas en avoir peur, parce que finalement, c'est ça qui fait ce que nous sommes. Donc, il faut pas avoir peur de ce qu'on est quelque part. Et bien d'ailleurs, j'ai une question qui m'a été posée par Thierry Bouchon, qui m'aide à préparer cette émission Avance Culture. Il a une embolie pulmonaire et grâce à laquelle il a appris que en Afrique, les Africains d'aujourd'hui ont un taux de globules blancs qui est plus bas que la moyenne. Et il se demande si ça peut s'expliquer génétiquement. Alors moi, les globules blancs, je connais pas. Par contre, ce que je peux vous dire d'un point de vue génétique, c'est qu'il n'est pas surprenant que différentes populations aient des différences génétiques dans leur constitution. Le plus bel exemple, c'est les Tibétains qui sont adaptés à l'altitude. Et ça a été découvert parce que suite à l'invasion du Tibet par des populations non tibétaines, ils se sont rendus compte qu'à l'accouchement ou autour de la grossesse, il y avait des taux de mortalité beaucoup plus élevé des populations qui n'étaient pas tibétaines. Et ils se sont rendus compte, en analysant le génome des Tibétains, que ceux-ci avaient une adaptation à l'altitude que n'avaient pas les autres populations. Et j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est très riche d'enseignements. Il est d'abord, la première chose absolument fascinante, c'est que le bout de génome qui permet d'être adapté à l'altitude a été reçu de Denisova, donc d'une des espèces avec lesquelles on s'est croisé. La fameuse grotte. De la fameuse grotte de Denisova, ce qui montre bien que dans certains cas, les mélanges sont bénéfiques. Deuxièmement, le fait que ce bout de génome se soit répandu dans les populations tibétaines montre que finalement, il y a des populations qui sont restées sur place pendant plusieurs milliers d'années, parce que la sélection naturelle, c'est quelque chose de lent. Donc, il a fallu qu'il y ait des gens qui vivaient là, dont les enfants sont restés là. Donc, c'est intéressant parce que ça nous montre que notre espèce, c'est une espèce de migrant, mais qu'en parallèle à ces migrations, il y a aussi eu des périodes de stabilité, c'est-à-dire des individus qui, eux, sont restés stables sur un grand nombre de générations. Et donc, de fait de ces adaptations locales, de ces petites différences, du hasard de l'histoire, on a des différences génétiques entre les populations. Et donc, parmi ces différences génétiques, il y a des différences qui codent pour des susceptibilités aux maladies différentes. On a évoqué, par exemple, dans le cas des populations de Polynésie, une susceptibilité plus grande aux maladies métaboliques, au diabète, etc. De la même manière, vous avez des différences entre les populations humaines qui peuvent se traduire dans des susceptibilités ou des métabolismes différents d'une population à l'autre. Alors, prenons un exemple d'actualité, le Covid, comme on dit. Est-ce que l'humanité est la est uniforme dans les pathologies qu'engendre ce virus? Est-ce qu'il y a des susceptibilités qui sont déjà manifestes? Alors, on n'a pas encore les données, mais je sais qu'il y a des équipes qui travaillent sur cette question-là, parce que ce ne serait pas surprenant de trouver des différences génétiques dans la réponse à la Covid. On l'a bien trouvé dans le sida. Dans le sida, on a des variations dans un gène qui s'appelle CCR5, des variations qui font que certains individus sont plus ou moins résistants, et donc on va avoir des différences selon les populations en fonction de la fréquence de ce gène qui permet de donner de la résistance. Donc la Covid, c'est raisonnable de penser qu'on va trouver des différences génétiques. Donc là, moi, je suis pas impliquée dans des travaux comme ça, parce qu'il faut des données à la fois génétiques et médicales. Moi, je travaille pas dans le milieu médical, je travaille avec les gens non malades, les populations en général, mais ça fait partie des choses à suivre. Donc on pourrait imaginer que le taux de létalité induit par cette maladie ne soit pas le même pour tout le monde. Le taux de létalité, ou alors des formes plus ou moins graves, déjà on voit quand même des pistes, les femmes sont moins touchées que les hommes, les femmes ont 2 chromosomes X, les hommes n'en ont qu'un, le gène ACE2 par où rentre le virus est porté par le chromosome X, donc bon, on voit qu'il y a peut-être des prémices de choses à regarder, donc qui expliqueraient les différences entre sexes, mais aussi peut-être des différences entre les populations. Evelyne Neyer, vous nous avez raconté beaucoup d'exemples qui permettent de comprendre grâce à l'ADN notre histoire passée. Donc, dans votre livre, il y a beaucoup plus de choses. Mais qu'est-ce que ça dit du futur? Qu'est-ce qui nous attend? L'Odyssée des gènes, qui est le titre de votre ouvrage, ne se termine pas aujourd'hui. Elle va continuer avec des changements dans les décennies qui viennent, notamment de climat, d'environnement, de biodiversité. Est-ce qu'on peut prédire comment les populations vont s'adapter plus ou moins bien à ces évolutions drastiques? Alors, en termes d'évolution, l'évolution humaine, c'est quelque chose de lent pour voir vraiment des différences visibles. Nous, en tant que généticiens, dès qu'il y a des mutations, que les fréquences bougent, on parle d'évolution. Mais alors, le grand public, c'est pas ça. L'évolution, c'est quand on change vraiment d'aspect. Donc, il y aura toujours des évolutions génétiques, parce que comme toute espèce, on évolue. Donc, il y a des nouvelles mutations qui apparaissent. 70, je vous ai dit, chaque nouvel individu. Après, elles peuvent être avantageuses ou désavantageuses ou servir à rien, mais en tous les cas, ces fréquences bougent. Donc, en ce sens-là, il y a toujours de l'évolution. Maintenant, des changements vraiment visibles, ce qu'on peut prédire, c'est que à 50 ou 100 ans à venir, on risque d'avoir des différences d'aspect, parce que là, on voit bien qu'avec les migrations actuelles, elles sont pas plus fréquentes que les migrations d'avant, mais elles sont plus à large échelle géographique. Donc, vous mettez en relation des gens qui viennent d'endroits très différents, et encore une fois, comme je l'ai dit, dans ce cas-là, les gens se mélangent. En France, 2/3 des enfants d'immigrés se marient à l'extérieur de leur groupe d'origine. Donc on a toujours du brassage, et donc on va peut-être voir apparaître des nouveaux, ce qu'on dit phénotypes, c'est-à-dire des nouveaux aspects. Ce serait pas surprenant de voir quelqu'un, qui a un visage de forme asiatique, qui a la couleur de peau noire, qui a les yeux bleus, et qui a les cheveux roux, par exemple. Donc, c'est plutôt, en termes de choses visibles, en termes d'évolution, ce qu'on risque de voir dans les générations à venir. Par exemple, prédire des choses sur l'évolution de la taille des individus, la taille moyenne? Alors, sur l'évolution de la taille moyenne, on voit bien qu'elle a fortement augmenté depuis 150 ans, mais pas de manière génétique, du fait d'un environnement qui est meilleur, l'alimentation, meilleure hygiène, etc. Mais il y a toujours une sélection pour une taille un peu plus grande, de manière surprenante. Les dernières études qui ont été faites montrent qu'en général, les hommes plus grands ont plus de descendants que les hommes plus petits. Donc, sur le long terme, mais encore une fois, là, c'est sur des milliers d'années, on a encore une pression de sélection pour une taille un peu plus grande. Maintenant, il y a peut-être des contraintes morphologiques qui font qu'à un moment, on peut pas aller plus loin. Merci Evelyne Neyer. Je recommande la lecture de votre livre passionnant, L'Odyssée des gènes, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Le sous-titre, c'est 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN, ce qui n'est pas rien. C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie Lepeintre, et à la réalisation d'Edwin Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.